Alors maintenant, je voudrais qu'on parle plus particulièrement des verbes. Les verbes sont comme la colonne vertébrale de la langue. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à les employer, parce que si vous savez manier les verbes, vous savez manier la langue. Comme on l'a déjà vu, les infinitifs espagnols finissent toujours en R. Donc, il faut les accentuer sur la dernière syllabe. Et il y a trois groupes de verbes. Les verbes en AR, en ER et en IR. L'immense majorité des verbes espagnols finit en AR, hein, AR. Alors, le verbe parler, c'est... Hablar. Oui, mais je voudrais entendre bien clairement que c'est la dernière syllabe hein, qui est accentuée. Hablar. D'accord. Hablar. Hein? Parce que si vous ne respectez pas ma règle du son, au risque de ne pas vous comprendre. Donc, je répète, tous les infinitifs finissent en R. Et donc, on frappe hein, la dernière syllabe. Encore une fois, parler, c'est... Hablar. Hablar. Hein? Hablar. Et acheter... Comprar. Comprar, oui. Et comprendre Comprender. Comprender, encore une fois. Comprender. Voilà, comprender. Et manger Cenar. Cenar, c'est dîner. Mais manger, c'est Comer. Comer, hein, c'est ça. Faire Hacer. Hacer, hacer. Dire Decir. C'est ça, hein? Decir. Préparer. Préparar. D'accord. Préparar. Accepter. Acceptar. En espagnol, c'est aceptar, hein? Avec un seul C. Aceptar. Aceptar, c'est ça.